Activité 36. 1. Le manteau coûte 115 euros. 2. Alors, 1 kg de fraises, 2,50 euros. 2 kg de pommes, 3,20 euros. Et 1 litre de jus d'orange, 2 euros. Ça fait 7,70 euros, s'il vous plaît. 3. Le menu du jour coûte 24 euros. Le plat principal seul coûte 16 euros. Avec le dessert, c'est 21 euros. 4. Il y a un départ pour Paris dans 30 minutes. Le billet coûte 68 euros. Ensuite, le prochain départ est à 11h58. C'est le même prix.